À tous ceux qui, en plus de se demander « qu'est-ce qu'on mange ce soir ?», se demandent ce qu'il y a dans leur assiette et d'où ça vient et si ça respecte l'environnement. Et à tous ceux qui en ont marre de passer plus de temps à lire les emballages qu'à déguster ce qu'il y a dedans. Désormais, l'application Intermarché vous permet de répondre facilement à toutes vos questions en sélectionnant les produits selon vos préférences, que ce soit en termes de nutrition, d'origine ou d'impact environnemental. Alors une dernière petite question, qu'attendez-vous pour la télécharger ? Intermarché, tous unis contre la vie chère. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'affaire Roger Salingros ou le poison de la calomnie. C'est l'histoire d'une sale rumeur, de celles qui peuvent tuer. Le 18 novembre 1936, le ministre de l'Intérieur du gouvernement Blum, et par ailleurs maire de Lille, un homme politique de tout premier plan, met fin à ses jours après une infâme campagne de presse orchestrée par l'extrême droite. Des mois durant, on l'accuse à tort d'avoir déserté le champ de bataille en 1915. Autrement dit, trahison, accusation extrêmement grave dans cette France encore profondément endeuillée par la Grande Guerre. Près de 60 ans plus tard, un autre homme politique vit le même drame pour des raisons différentes. C'est Pierre Bérégovoy qui se tire une balle dans la tête, emporté lui aussi par la spirale du soupçon. Toutes les explications du monde ne justifieront pas qu'on ait pu livrer aux chiens l'honneur d'un homme et finalement sa vie, lancera le président Mitterrand lors de ses obsèques, comme en écho au discours de Léon Blum et à l'affaire Salingros. Notre invité aujourd'hui, Christian Delporte, professeur d'histoire à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, spécialiste de l'histoire des médias. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA. Récit documentaire, Margot Pinel. Coordination, Christophe Barrère. Réalisation, Marion Lelay. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Il a dit à mon mari, vous direz à Madame Renal de venir à 8 heures, au lieu de 7 heures. J'ai répondu, moi, c'est qui a envie de dormir. De se reposer. Mercredi 18 novembre 1936, 8 heures, c'est 8 heures. Madame Renard, Augustine de son prénom, est une femme ponctuelle. Depuis 2 ans, elle est employée de maison au 16 boulevard Carnot, dans le centre-ville de Lille, un appartement simple mais coquet. Et c'est ici que vit monsieur le maire, Roger Salingros, devenu 6 mois auparavant ministre de l'Intérieur du gouvernement de Léon Blum. Madame Renard est entrée à son service lorsque l'état de Madame Léonie Salingros, atteinte du cancer et rongée par la dépression, s'est brusquement dégradé. Après sa mort, la gouvernante est restée fidèle, dévouée. Arrivée sur le palier de 4e étage, elle s'étonne de voir les journaux encore accrochés à la poignée. « Tiens, le patron n'est pas très matinal aujourd'hui », se dit-elle. La suite. Elle la raconte 40 ans plus tard, en 1977, devant les caméras de France 3. Bon, j'arrive à 8 heures. J'ouvre la porte. J'enlève mon manteau, mon chapeau. Et je sens que ça sent drôle, de c'est drôle. Je regarde. J'ai rentré dans la cuisine. J'entendais ce bruit de gaz qui filait. Et Roger y était par terre dans la cuisine. Avec un mot d'excuse, ultime élégance pour le choc qui allait lui causer, Roger Salingros savait que sa gouvernante serait le premier témoin du drame. L'odeur du gaz, d'abord, qui la prend à la gorge à peine entrée, puis la porte de la cuisine anormalement fermée, calfeutrée avec une serpillière, et le corps de son patron, allongé sur le carrelage, immobile, déjà raidi. Sur la table, bien en évidence, il laisse aussi 2 exemplaires déployés de Gringoire, hebdomadaire d'extrême droite, qui pendant 3 mois a traîné son nom dans la boue, l'accusant d'avoir déserté en 1915. Madame Renard appelle immédiatement le docteur Cordonnier, qui fait les premières constatations. Pas de traces de violence, pas d'ecchymose, il s'agit bien d'un suicide. Tant bien que mal, il transporte le corps de Salingros jusque son lit. Sur son lit, dans la poche extérieure de sa veste, il trouve 2 lettres testamentaires. L'une est adressée à son frère, Henri. En quelques mots, Roger Salingros explique les raisons qui l'ont mené au pire. Il écrit « Le surmenage et la calomnie, c'est trop. Cette fois, le chagrin m'a vaincu. » il laisse une seconde lettre, plus longue, plus explicite également, adressée cette fois à Léon Blum, chef du gouvernement du Front Populaire. Mon cher Blum, ma femme est morte il y a bientôt 18 mois, de la calomnie qu'on ne lui épargna pas et dont elle souffrit tant. Ma mère ne se remet pas des suites de son opération, et la calomnie la ronge jusqu'au moelle. J'ai lutté de mon côté vaillamment, mais je suis à bout. S'ils n'ont pas réussi à me déshonorer, du moins porteront-ils la responsabilité de ma mort. Car je ne suis ni un déserteur, ni un traître. Mon parti aura été ma vie et ma joie. Mon affection au mien, mon souvenir au nôtre. À vous ma reconnaissance. Roger Salengro. À bout. Tous ceux qui ont côtoyé Roger Salengro ces dernières semaines l'ont bien remarqué. Les traits marqués, le teint blême, les mains tremblantes. Mais à chaque fois qu'on l'interrogeait, Salengro éludait, il dormait mal en ce moment, disait-il. Et puis, l'état de sa mère lui causait du souci. Du reste, il ne disait rien, non. Il a écrit sur un bout de table, juste avant d'ouvrir le gaz. Il avait 46 ans. Dès qu'elle est rendue publique, la mort de Salengro plonge la France dans la stupeur, nous rappelant soudain qu'un politique, si puissant soit-il, est aussi un homme, donc vulnérable. 4 jours plus tard, le 22 novembre 1936, ils sont 1 million dans les rues de Lille, venus lui rendre un dernier hommage. La cloche du beffroi sonne le glas, un grand drap noir recouvre la façade de l'hôtel de ville que Salengro aura occupé pendant 11 ans. En bas, la foule s'est réunie pour écouter Léon Blum. Dans le silence, la voix brisée par l'émotion, le président du conseil fait l'éloge de celui qu'il avait repéré et choisi, votre Roger, dit-il aux Lillois, son ministre et son ami. Puis à la tristesse succède la colère lorsqu'il dénonce ses assassins. Voilà 3 mois que j'ai senti le venin opérer jour à jour. Il n'y a pas d'antidote contre le poison de la calomnie. Une fois versé, il continue d'agir, quoi qu'on fasse, dans le cerveau des indifférents, des hommes de la rue. Il pervertit l'opinion, car depuis que s'est propagée chez nous la presse de scandale, vous sentez se développer dans l'opinion un goût du scandale, sans se rendre compte que la curiosité et le bavardage touche de bien près à la médisance, que la médisance touche de bien près à la calomnie, et que celui qui publie ainsi la calomnie devient un complice involontaire du calomniateur. Quelques jours avant les funérailles de Salengro, le quotidien socialiste Le Populaire avait titré « Ils l'ont tué ». Et c'est bien ce que pense Léon Blum, et avec lui, une large partie de l'opinion publique. Ils, ce sont les journaux d'extrême droite, qui malgré le drame ne se taisent pas. Pour les ennemis de Salengro, pire encore, son suicide l'accuse. Sa conscience nette aurait suffi à le maintenir debout, peut-on lire dans l'Action française. Mais de quoi soupçonne-t-on Roger Salengro exactement? Quelle est cette calomnie meurtrière? L'affaire a en réalité commencé bien avant son déclenchement. 21 ans auparavant, dans les tranchées de la Première Guerre mondiale. Fils d'un modeste fabricant de bonneterie et d'une mère institutrice, Salengro est un véritable gars du Nord. Adolescent, son père abandonne le foyer familial et c'est pour prendre une revanche sur cette lâcheté qu'il s'investira dans le militantisme avec une fidélité sans faille. En 1909, étudiant à la faculté des lettres de Lille et militant à la CFIO, il se taille déjà à 19 ans une réputation de batailleur idéologique. Il devient vite le responsable de la section de Lamberza, où il rencontre en 1910 Léonie Venant, ouvrière et militante, elle aussi sa Nini, comme il l'appelle désormais. Salengro est alors engagé à fond côté des cheminots en grève, qui l'impressionne malgré sa jeunesse. Suivant cela, Jaurès, il milite aussi pour la paix et contre l'allongement du service militaire à 3 ans. Résultat, il est inscrit au carnet B, fichier de police, où sont répertoriés tous ceux qui sont suspectés d'antimilitarisme, comme l'explique l'historien Pascal Horry. Oui, le carnet B sur lequel on a beaucoup fantasmé, mais qui est une réalité, sauf que ça n'a pas été opératoire. Au dernier moment, le ministre de l'Intérieur de l'époque, qui était un homme de gauche modéré, a décidé de ne pas utiliser le carnet B. Au dernier moment, c'était la déclaration de guerre de 14. C'était la liste de tous ceux qui avaient déjà été repérés pour leur menée antipatriotique. Grosso modo, les anarchistes, les syndicalistes, les socialistes repérables, qu'on pouvait arrêter immédiatement en cas de déclaration de guerre, puisqu'on considérait qu'ils allaient poignarder la défense nationale dans le dos. Et le ministre de l'Intérieur de l'époque ne l'a pas fait, bien lui en a pris, puisque globalement, la plupart de ces militants-là se sont ralliés à l'Union Sacrée, à commencer par Gued et à la base, quelqu'un comme Salin Gros. En 1915, comme tant d'autres, Salin Gros part au front la fleur au fusil, comme on disait. 25 ans, socialiste, républicain et fier de son pays, il est décidé à faire tout son devoir. « Je pars radieux », écrit-il, « sachant pourquoi je me bats ». Il n'a qu'un regret, celui d'abandonner sa mère, ses jeunes frères et sœurs et surtout sa Nini. Le soldat Salin Gros est incorporé au 223e régiment d'infanterie. Il est cycliste, c'est-à-dire agent de liaison ou estafette, envoyé au lieu-dit la ferme Navarin sur la seconde bataille de Champagne. Ici, les lignes allemandes et françaises ne sont distantes que de quelques centaines de mètres, dont une crête dissimule à chaque camp celui d'en face. Dans leurs tranchées, les soldats restent à l'affût du moindre mouvement et s'enterrent, la peur au ventre. Le 6 octobre 1915, notamment, les combats sont très durs. Le lendemain, on compte 27 morts et une centaine de blessés évacués. Dans l'après-midi, alors que le calme est revenu, le cycliste Salin Gros se fait remarquer. Oui, il souhaite aller récupérer le corps d'un compagnon d'armes, le sergent Demailly, tué la veille. Tous essaient de l'en dissuader, c'est une mission suicide enfin. Tout sauf un, son lieutenant, Doron, qui se laisse convaincre, comme il en témoignera quelques mois plus tard. Au cours de la conversation, Salin Gros me parla du sergent Demailly, qui avait été tué la veille. Nous nous étions promis mutuellement, me dit-il, en cas de malheur, de tenter l'impossible pour rapporter à la famille du mort ses papiers personnels. Je le félicitais, mais je lui fis observer toute l'imprudence de son projet. Je lui dis notamment, surtout ne dépassez pas la crête. Vers 16h, le cycliste Salin Gros se débarrasse de son équipement et rampe en direction du sommet. Les camarades, témoins depuis les tranchées, saluent son courage. Il mérite la croix de guerre, s'enthousiasme-t-il. Il l'aura, assure le lieutenant Doron. Salin Gros poursuit sa progression et disparaît bientôt derrière la crête. Et là, on entend trois coups de feu. Et puis, le silence. Sur place, il ne fait aucun doute que le jeune cycliste vient d'être tué ou blessé. Dans la cartouchière laissée par Salin Gros au moment de quitter les lignes, ses camarades retrouvent alors l'adresse de la marraine de guerre, Madame Polaillon, qui habite Paris. Un mois plus tard, les autorités militaires sont dépêchées chez elle pour l'informer de la disparition de son filleul, Salin Gros. Ce qu'elle dément, puisqu'elle a reçu il y a peu une lettre de son soldat, oui, interné au camp de prisonniers de Grafenwöhr en Allemagne. À l'intérieur, Salin Gros affirme avoir été capturé le 6 octobre, alors que, je cite, « il se battait comme un lion à 30 mètres des lignes ennemies ». Salin Gros est donc bien vivant, et son explication sème le doute, lui qui, en sa qualité d'agent de liaison, n'a pas participé à la bataille. Dès lors, la question d'une possible désertion se pose, et le conseil de guerre est saisi. Il s'ouvre le 20 janvier 1916. Le prévenu, qui encourt la peine de mort, y est jugé par contumace, puisqu'il se trouve en Allemagne. Des 5 témoignages lus, un seul a laissé une trace dans les archives. Celui du lieutenant Doron, unique témoin direct dont vous avez entendu un premier extrait. L'officier poursuit. À ce moment-là, je n'avais sur Salin Gros pas l'ombre d'un soupçon. Je savais que Salin Gros était socialiste, convaincu et militant. Mais je dois à la vérité de dire que depuis son incorporation, son patriotisme n'avait jamais été suspect. Au contraire. Cette déclaration pèse de tout son poids auprès des juges. Mais le scrutin est serré. Enfin, par 3-2, Roger Salin Gros est acquitté. Voilà. Fin de l'histoire, oui pour le moment, mais non car tous les ingrédients de ce qu'on va appeler l'affaire Salingro sont en réalité déjà en place. Le principal intéressé, lui, ne prendra connaissance de ce procès qu'à l'armistice. Entre-temps, il devra affronter un autre conseil de guerre où il est bien présent cette fois. Après 18 mois de captivité au camp de Gravenvor, il est transféré dans celui d'Amberg, toujours en Bavière. Là, il doit travailler dans une fonderie qui produit du matériel de guerre. Mais Salingro s'y refuse et prend la tête de la contestation, suivi comme un seul homme par les 39 autres prisonniers. Le 16 juillet 1916 s'ouvre leur procès. Incroyable mais vrai, un soldat allemand salue leur héroïsme. « Moi, si j'étais prisonnier en France, dit-il, je voudrais avoir le courage d'agir comme eux. » Puis la sanction tombe, 2 ans de prison. Salingro est envoyé dans un camp disciplinaire aux confins glacés de la Prusse. À l'armistice, son état physique est déplorable. Il pèse 42 kilos. Après plusieurs mois de convalescence en Suisse, Salingro peut enfin regagner sa ville, Lille, libérée. Aussitôt, il épouse Léonie et s'engage tête baissée dans la lutte politique. À 29 ans, il devient conseiller municipal, puis conseiller général. Dans les meetings électoraux, Salingro oublie vite l'union sacrée de 14 et se forge une réputation de polémiste acharné. Avec virulence, il attaque sans relâche à droite, mais aussi sur sa gauche. Les communistes sont alors sa bête noire, qu'il accuse d'être des tarés idéologiques, les pires ennemis de la classe ouvrière. Et au sein de la Fédé du Nord, qui fournit les plus gros bataillons de la SFIO en France, tous ne sont pas du même avis. En 1920, au congrès de Tours, la scission du Parti Socialiste est consommée, le divorce avec les communistes signé. 50 ans plus tard, Marcel Raison, l'un des premiers adhérents de la section française de l'Internationale communiste, le futur PCF, s'en souvient. Il y a eu quand même un orateur qui s'appelle Marcel Cachin, le père Cachin, comme on l'appelait enfin avant qu'il meure, qui lui avait été 2 fois en Russie, qui nous a rapporté ce qu'il avait vu là-bas, que pour la première fois, le pouvoir ouvrier, les ouvriers étaient au pouvoir, et ça a frappé tellement les congressistes que lorsque le vote a eu lieu, eh bien, ça a été enlevé à la majorité des 2/3. Il y a eu 1/3 qui a été contre et les 2/3 pour. Alors c'est là, c'était la naissance du Parti communiste. Et c'est aussi la naissance du futur Parti socialiste qui portera le nom de SFIO, section française de l'Internationale ouvrière, jusqu'à la fin des années 60. Après Tours, une bataille féroce s'engage donc entre socialistes et communistes dans ce nord ouvrier de la mine et du textile. Salingro, secrétaire administratif de la SFIO, est en première ligne. Les incidents sont fréquents et les deux camps s'étripent par journaux interposés. En octobre 1922, voilà par exemple ce qu'on peut lire dans la publication communiste du Nord, Le Prolétaire, avec un jeu de mots du plus mauvais goût. Salingro est un pitre, sale en haut, sale en bas, sale partout, égale sale en gros et en détail. Bon. Une rumeur également commence à circuler sous les manteaux lillois. On raconte que pendant la Grande Guerre, le cycliste Salingro aurait été soupçonné de désertion. Tiens donc. Et le voilà rebaptisé Roger la Honte. Et ce n'est pas sa notoriété grandissante qui va calmer ses adversaires, au contraire. En 1925, à 35 ans à peine, il est élu à la mairie de Lille. 3 ans plus tard, il est élu député. Travaillant d'arrache-pied, il s'impose au plan national comme l'un des piliers de la SFIO. À Lille, il se fait réélire sans peine à 2 reprises, le temps de mener une politique de la ville audacieuse, comme le raconte l'historien Pascal Horry. Il a mis en œuvre une politique d'action sociale et une politique scolaire. Là, on voit bien comment cet enfant de classe populaire qui est monté dans la hiérarchie sociale et au sein du Parti Socialiste et ses filles, grâce à ses diplômes, va essayer de reproduire ça pour les autres. Et il y a toute une politique scolaire extrêmement dynamique qui est à mettre à son compte, ainsi que d'ailleurs un certain nombre d'initiatives dans le domaine de l'urbanisme. Plus il monte en grade, plus Salingro doit faire face aux violentes attaques des communistes. Mais une nouvelle rumeur, plus odieuse encore, va le prendre au dépourvu. On peut lire dans certains torchons locaux que sa femme Léonie lui aurait été infidèle alors qu'il était au front. Une calomnie dont elle ne se relèvera pas. Salingro en est terriblement affecté lui aussi et se réfugie plus que jamais dans l'action politique. D'autant qu'il doit désormais composer avec ses ennemis d'hier. Les événements commandent. Au début des années 30, en effet, à la suite du krach boursier de New York, l'Europe est frappée à son tour par une grave crise économique. Les démocraties, jugées impuissantes, sont remises en cause et des régimes autoritaires se développent, de l'Italie de Mussolini jusqu'à l'Allemagne d'Hitler. En France, les difficultés s'additionnent, précarité, chômage, misère. Les gouvernements se succèdent, mais la crise persiste. Alors, la montée du fascisme atteint l'hexagone. Les mouvements d'extrême droite prennent de l'ampleur jusqu'à ce que l'affaire Stavisky mette le feu aux poudres. Le 6 février 1934, la mort suspecte de Serge-Alexandre Stavisky, escroc richissime, jette dans les rues de Paris des milliers de mécontents, entraînés par les ligues d'extrême droite à coups de discours sur le tous pourri. Vous voyez bien, les hommes politiques, les milieux financiers, tous corrompus. On connaît la logorée d'extrême droite et ses méthodes violentes. De fait, le rassemblement tourne à l'émeute. 15 morts. Dans les jours qui suivent, les partis de gauche dénoncent une tentative de coup d'État et appellent à oublier leur vieille querelle pour s'unir face au danger fasciste. Le socialiste Léon Blum, le communiste Maurice Thorez et le radical Édouard Daladier forment alors une alliance en vue des élections législatives de mai 1936, un ancêtre de la gauche plurielle. Ensemble, ils veulent transformer la société. Leur slogan, pain, paix, liberté, le Front populaire est né. Roger Salengro, maire de Lille et futur ministre de l'Intérieur, y jouera un rôle décisif, se faisant par là même de nouveaux ennemis plus féroces encore. Après des siècles de servage, l'esclave enfin s'est révolté. Le fier lion brisant sa cage a reconquis sa liberté. Maintenant il poursuit son rêve, au tyran arrachant ses droits, combattant sans repos ni trêve, les maîtres, les dieux et les rois. À l'horizon qui s'éclaire, lorsque le front populaire tumultueux roule comme un torrent, martyr de l'usine et du bouge, quand l'ouvrier s'éveille et bouge, on voit flotter au vent le drapeau rouge. Cet emblème aux bourgeois livide donne un tremblement de terreur. À son aspect, son front se ride, son sang se glace de stupeur. Mais dans la rue, on s'allait dire, sous l'œil farouche des ergots, il pique la note égayée d'un bouquet de coquelicots. À l'horizon qui s'éclaire, lorsque le front populaire tumultueux roule comme un torrent, martyr de l'usine et du bouge, quand l'ouvrier s'éveille et bouge, on voit flotter au vent le drapeau rouge. Tu fus beau drapeau tricolore, sur le Rhin, sur l'Elbe, à Valmy, mais n'es-tu pas humide encore du sang des morts de Satori, des gloires à jamais flétries. Tu n'es plus qu'un vil oripeau à celui qui l'usera pour mi. Nous préférons notre drapeau. À l'horizon qui s'éclaire, lorsque le front populaire tumultueux roule comme un torrent, martyr de l'usine et du bouge, quand l'ouvrier s'éveille et bouge, on voit flotter au vent le drapeau rouge. 14 juillet 1935. Ici, les assises de la paix et de la liberté. La parole est au représentant du Parti communiste, Jacques Duclos. Camarades, au nom du Parti communiste français, je salue les camarades socialistes, les radicaux, les syndiqués des deux CGT et les antifascistes de toutes opinions qui forment avec nous le rempart de la paix et de la liberté. Oui, nous sommes les défenseurs de la liberté contre les fascistes. Et nous jurons de tout faire pour que l'union réalisée aujourd'hui continue demain. À l'avant, sous le drapeau du Front populaire. À l'avant, peuple de France, le fascisme ne passera pas. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Au soir du 3 mai 1936, l'unité a payé. Le Front populaire remporte les élections législatives. Et pour la première fois en France, un socialiste prend la tête du gouvernement. Léon Blum devient président du Conseil. Mais son investiture n'est prévue que dans un mois. Alors, pour maintenir la pression, des grèves spontanées sans précédent éclatent dans tout le pays. Surnommés les grévistes de la joie, ils sont 2 millions à manifester, souvent pour la première fois, dans une ambiance de gigantesque fête populaire. La France ouvrière est à l'arrêt. Un arrêt causé par l'espoir. Ces grèves amènent Léon Blum à se saisir immédiatement des demandes exprimées. Sur les conseils de son entourage, il sollicite Roger Salengro, à qui il confie le ministère de l'Intérieur. Les deux hommes ne sont pas intimes, certes, mais le maire de Lille apporte à Léon Blum, arrivé en politique sur le tard, sa connaissance du terrain, sa grande expérience des conflits. Et il a le cuir épais, dit-on. C'est parfait pour la place Beauvau. Ainsi, Salengro devient-il le principal artisan des accords de Matignon, qui réunit patronat et syndicats autour de la table pour négocier les réformes sociales tant attendues. Signé dans la nuit du 7 au 8 juin 1936, Salengro lit les premiers articles de cet accord à la radio. Les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat pour arrêter leur décision en ce qui concerne l'embauchage, la conduite ou la répartition du travail, les mesures de discipline ou de congédiement. Article 4. Les salaires réels pratiqués pour tous les ouvriers à la date du 23 mai 1936 seront, du jour de la reprise du travail, réajustés suivant une échelle décroissante, commençant à 15% pour les salaires les moins élevés, pour arriver à 7% pour les salaires les plus élevés. Place Beauvau, Roger Salengro est mobilisé nuit et jour. Après la signature des accords de Matignon, il multiplie les déplacements en province pour résoudre les conflits en cours et remettre la France au travail. Parallèlement, il s'attaque au premier point du programme du Front populaire, la dissolution des ligues factieuses. Il mène la bataille devant le Parlement avec une maîtrise qui impressionne. Et le 19 juin 1936, 4 ligues sont dissoutes. Pour la droite et l'extrême droite, c'en est trop. Salengro, premier flic de France, devient l'homme à abattre, et à travers lui, tout l'édifice du Front populaire. C'est Henri Bécard, député conservateur de Lille et adversaire de longue date, qui lance les hostilités. À Paris, personne n'avait encore eu vent de ces mauvaises rumeurs lilloises sur la désertion supposée de Salengro, relayée par les journaux d'extrême-gauche au début des années 20. Eh bien, plus pour longtemps. Le 10 juillet 1936, en effet, Bécard s'adresse directement au ministre de la Guerre, Édouard Daladier, pour lui demander d'éclaircir l'attitude du soldat Salengro en 1915. Accusé d'avoir déserté, il aurait été condamné à mort, puis acquitté dans des conditions douteuses. En réalité, il n'a jamais été condamné, mais jugé non coupable, on l'a dit, après un conseil de guerre, tout à fait légal celui-là. Trois jours plus tard, jour de la fête nationale, le quotidien d'extrême droite, l'Action française, dirigé par Charles Maurras, s'empare à son tour du sujet et dénie au ministre de l'Intérieur le droit de se présenter devant la tombe du soldat inconnu. Si l'article, anonyme, passe à peu près inaperçu, il donne le coup d'envoi officiel de ce qu'on appellera l'affaire Salengro. Et c'est l'hebdomadaire Gringoire, fort d'un tirage dépassant les 600 000 exemplaires, qui va en faire ses choux gras. À partir du 21 août, le journal d'Horace de Carbussia s'engouffre dans la brèche. Il met alors Roger Salengro au défi de répondre. Extrait. Est-il exact que le lendemain matin, 7 octobre, tous les postes de commandement furent martelés par les 210 ennemis? Est-il exact qu'au bataillon se demanda si Salin Gros n'en avait pas révélé les emplacements à l'adversaire ? Est-il exact que le capitaine Arnoux établit un rapport en conseil de guerre concluant à la désertion à l'ennemi du cycliste Salin Gros, alors âgé de 25 ans ? Tout est faux. Mais Léon Blum conseille à son ministre de l'Intérieur de ne pas répondre et de traiter tout ça avec mépris. C'est d'ailleurs ce que lui a toujours fait, cible privilégiée de cette presse d'extrême droite, antisémite. Blum, ce juif, est un homme à fusiller, mais dans le dos, peut-on lire par exemple sous la plume de Charmeras. Mais si à Paris, la calomnie peut passer pour l'inévitable rançon de la gloire, en province, c'est un venin, parfois mortel. Et Salin Gros est un provincial. Alors, il se décide à répondre et ouvre la voie à un mécanisme diabolique de questions-réponses, une spirale infernale. À chaque démenti succède une contre-attaque plus violente que la précédente. Gringoire manie le soupçon qui ne démontre rien, qui instille le doute, en rajoute. La rumeur l'emporte sur l'épreuve et gangrène l'image du ministre. Au-delà de l'enjeu politique, la nature même de l'accusation confère à l'affaire Salin Gros une dimension qui dépasse le simple jeu de pouvoir. Il s'agit en effet de la Grande Guerre, de l'orgueil national, de la victoire si chèrement acquise, comme l'explique le sociologue René Pucheux en 1977 sur France 3. Le mythe de 14, ce que c'était que dans la France de l'avant-guerre, d'avoir été un ancien combattant, d'avoir fait Verdun. Et si on n'avait pas été un ancien combattant héroïque, ou du moins debout, mais on n'avait pas droit à la parole. C'était l'injure suprême. Jusqu'à la fin du mois d'octobre, l'acharnement se poursuit, les tirages augmentent. Gringoire annonce, l'affaire Salin Gros commence, nous ne la laisserons pas étouffer. L'Action française prend la balle au bon et rivalise dans l'insulte. Quant au reste de la presse nationale, elle préfère parler des vrais problèmes, qui ne manquent pas d'ailleurs, et met en avant le rôle de pacificateur, de négociateur du ministre de l'Intérieur. Mais rien n'y fait, la meute continue. Bientôt l'émotion est si vive dans l'opinion qu'une réaction s'impose. Léon Blum décide de faire examiner le dossier militaire de Salin Gros par une commission d'enquête composée d'anciens combattants et du chef d'état-major, le général Gamelin. Le 29 octobre 1936, après un mois d'investigation, la commission conclut « Salin Gros est innocent. Il a été acquitté en 1916 de tout soupçon de désertion et rien ne permet aujourd'hui de remettre en cause ce jugement. » Voilà, l'affaire, une fois de plus, aurait pu s'arrêter là. Mais il n'en est rien, car le 6 novembre, Gringoire titre « On a blanchi Salin Gros, le voilà propre à un go. » La formule qui restera dans les mémoires est signée Henri Béraud, rédacteur en chef et pamphlétaire de talent, l'un des journalistes vedettes de la presse d'avant-guerre. Alors même ceux qui ne connaissent pas grand-chose à l'affaire ricanent et colportent la bonne blague au comptoir. Désormais, le ministre de l'Intérieur l'est aussi du fait de son épuisement physique et moral, après 6 mois à la place Beauvau. Le 13 novembre 1936, un débat est prévu à l'Assemblée pour traiter le cas Salin Gros, tranché. Henri Bécard, le député conservateur du Nord, rival de toujours, interpelle le gouvernement, le ton et la mine grave. Messieurs, un membre du gouvernement est en ce moment l'objet de la part de ses anciens camarades et de ses anciens chefs d'une des plus graves accusations qui puisse être portée contre l'honneur d'un homme. Ces accusations, monsieur le président du Conseil, vous ne les connaissez pas puisque vous vous êtes vanté de ne jamais lire le journal qui les a publiées. Dans l'hémicycle, l'ambiance est lourde. Bécard, qui vit là son heure de gloire, développe longuement son argumentation qu'il maîtrise à la virgule près. Il énumère les témoignages accablants, souvent douteux, et rappelle avec insistance que s'occuper des blessés n'était pas dans les attributions d'un cycliste simple agent de liaison. Il évoque alors le jeune militant Salin Gros, fiché au carnet B, conteste le jugement de clémence obtenu en janvier 1916, souligne les anomalies que comporterait son dossier militaire. Le ministre de l'Intérieur se tasse sur son banc. À son tour, Léon Blum monte à la tribune. Le président du Conseil prononce alors une violente diatribe contre les basses manœuvres politiques des adversaires du gouvernement. Et puis je vous le demande, pensez à l'homme, car il y a un homme dans cette affaire. Un homme avec un cœur d'homme. un homme qui, depuis des semaines, est affreusement torturé. Roger Salingros, lui, ne se manifeste qu'une seule fois, à la fin des débats, livrant la réponse sans ardeur d'un homme, en effet, affreusement torturé. Pourtant, les arguments et les preuves en sa faveur ne manquent pas, et le vote est sans appel. Sur 530 votants, 427 adoptent le texte qui constate l'inanité des accusations portées contre Salingros. Le voilà lavé, blanchi par les députés qui, dans ce régime parlementaire qu'est celui de la Troisième République, détiennent l'essentiel du pouvoir et de la légitimité politique. Alors, l'extrême droite et une partie de la droite peuvent bien vociférer. Pourtant, 4 jours plus tard, le 17 novembre 1936, il se suicide dans sa petite cuisine boulevard Carnot à Lille. La justice des hommes, avec ses juges pour l'officiel et ses députés pour le politique, n'aura pas suffi à redonner de la sérénité au ministre Salingros, parce que la haine était plus forte. Elle l'a jeté au chien. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter aujourd'hui, le suicide de Roger Salingros. Notre invité Christian Delporte, bonjour. Bonjour. Professeur d'histoire à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, vous êtes spécialiste de l'histoire des médias. Et votre dernier livre, c'est Charlie Hebdo, la folle histoire d'un journal pas comme les autres, publié à l'automne dernier hein, chez Flammarion. Mois de novembre, bien. Pour le spécialiste de l'histoire des médias que vous êtes, on a quand même envie de dire que l'affaire Salingros est quasiment un cas d'école. En l'étudiant plus de 80 ans plus tard, cette affaire nous pousse encore et toujours à nous interroger sur les droits de la presse, ses devoirs et sa possible tyrannie, et aussi sur les redoutables responsabilités morales des journalistes. Donc, cas d'école. Oui, et puis c'est assez typique de cette période où finalement la presse peut écrire à peu près ce qu'elle veut sans être inquiétée, et a fortiori lorsque la gauche est au pouvoir. Parce que si la gauche s'attaque à la presse, immédiatement elle est accusée d'être liberticide. Et Léon Blum, en 1934, face au garde des Sceaux de l'époque, avait dit « J'aime encore mieux une presse pervertie qu'une presse enchaînée ». Et donc, le Front populaire ne peut pas apparaître alors qu'il est accusé de vouloir faire comme en Union soviétique, c'est-à-dire bâillonner la presse et se permettre d'attaquer les journaux. Et surtout que la France elle-même est entourée de pays comme l'Italie ou l'Allemagne, où évidemment la presse n'existe pas, l'opinion publique n'existe pas, la presse est évidemment bafouée. Donc il faut, j'imagine, rappeler qu'on est une république démocratique, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et puis, la liberté de la presse, qui repose sur cette loi de 1881, est considérée comme une loi sacrée de la République. Et qu'on soit de gauche ou même de droite, on ne veut pas s'y attaquer. Et d'ailleurs, juste après le suicide de Saint-Lagro, le gouvernement de Léon Blum propose une rectification de la loi de 1881, un projet de loi d'une vingtaine d'articles qui réprime davantage les fausses nouvelles, notamment de toute nature. Et ce projet qui est voté par la Chambre des députés et rejeté par le Sénat, qui est à majorité de droite, et finalement, ce projet va s'enliser, il va être abandonné. Alors, quand on se penche sur le cas de Roger Salengro, on pense immédiatement et par réflexe, voire par réflexion, à ce qui est arrivé à Pierre Bérégovoy, sachant également que les deux hommes ne sont pas issus de cette bourgeoisie classique dont on tire en principe les élites politiques, donc c'est un point commun qui n'explique peut-être pas tout. Mais enfin, est-ce que le rapprochement, apparemment naturel, entre les drames Bérégovoy et Salengro est pertinent ? C'est pertinent au sens où ce sont des attaques contre des hommes qui sont extrêmement épuisantes. Pierre Bérégovoy était très fatigué et se sentait responsable de la défaite de la gauche. Et Roger Salengro, lui, a eu des décharges écrasantes depuis le début de la mise en place du Front populaire. Et comme le disait son frère Henri Salengro, il est mort de la calomnie et du surmenage. Il y a les deux en même temps. Hein. C'était pas le seul qui était attaqué, mais là, c'était sans cesse. C'était une grosse artillerie toutes les semaines dans Gringoire, tous les jours dans la presse d'extrême droite. Quels étaient les grands titres, d'ailleurs, de l'époque des années 30, les principaux, et pas seulement ceux d'extrême droite ? Non, pas seulement. Alors, vous avez cité Gringoire. Oui, on va y revenir, bien sûr. Voilà, et c'est de là que partent les principales attaques, c'est l'Action française, mais une droite, des gens d'une droite plus classique ont également contribué d'une certaine manière à alimenter la polémique avec, par exemple, Henri Thierry-Lys, qui était le patron de l'Écho de Paris. Il faut bien se rendre compte de la grande puissance de la presse dans les années 30. On n'est plus du tout dans cette perspective-là. Quand on parle de l'opinion publique dans les années 30, à une époque où il n'y a pas de sondage, c'est de la presse qu'on parle. Et elle a évidemment une très très grande influence. Est-ce qu'on peut établir un parallèle aussi avec la presse quelques décennies avant, Dreyfusard et anti-Dreyfusard ? Est-ce qu'il y a cette haine antisémite qui traîne et qui fait un barrage entre les deux, qui est une ligne de clivage ? Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. et notamment de la part de l'Action française. Bon, je rappelle d'abord que quand Blum se présente pour être président du Conseil devant la Chambre des députés, Xavier Vallat, futur commissaire aux affaires juives de Vichy, oui, déclare pour la première fois ce vieux pays gallo-romain sera gouverné par un juif. Tous les jours, l'Action française titre sur ce thème, les vacances juives de la légalité, la question juive à la Chambre, le maître juif est impuissant, etc. Et les attaques se multiplient contre Blum et contre ces ministres qui sont juifs, à commencer par Jean Zay. Donc il y a un véritable climat délétère de violence, de virulence incroyable. Aujourd'hui, on dit qu'il y a de la violence dans les médias, mais regardons ce qui se passe dans les années 30, c'est tout à fait terrible. Ah mais à sujet de Gringoire, justement, on va écouter une archive vraiment intéressante, elle date de 1977, figurez-vous que c'est François Giroux, cofondatrice de L'Express, qui s'exprime sur Gringoire. Qu'elle a connu ? Moi, si je puis dire, ou ma famille, nous lisions Gringoire, Candide, Marianne, les trois hebdomadaires de l'époque. Il y a des journaux d'aujourd'hui qui font ce type de campagne que je n'aurais jamais l'idée d'acheter, ni de lire, ni de perdre. Des gens que je connais ne lisent ces journaux-là. Alors qu'on lisait Gringoire. C'est ça qui était très grave. Gringoire avait une certaine tenue d'autre part. Mais les meilleurs écrivains publiaient leurs textes. On publiait à cette époque des nouvelles, des contes, des textes littéraires. Donc on lisait Gringoire. Et c'était, à mon avis, beaucoup plus grave. Il n'y a pas un journal équivalent du point de vue de son niveau général, indépendamment de cet aspect des choses, qui publierait aujourd'hui des textes comme ceux qui ont été publiés sur Salingros. Et Gringoire n'était pas un torchon, c'est bien le problème, Christian Delporte. Oui, Gringoire, en fait, c'était à la fois un journal politique et littéraire. À l'origine, c'était surtout un journal littéraire, qui est devenu de plus en plus politique. Il y avait d'ailleurs deux responsables de rédaction, Georges Suarez pour l'aspect politique et Joseph Kessel pour l'aspect littéraire. Il y avait effectivement dans ce journal une très haute tenue de contenu, de très belles critiques de littérature, de cinéma, de théâtre, des nouvelles, des contes. Bon. Horace de Carbuccia, qui était lui-même député, on a fait un journal qui, à l'origine, n'était pas d'extrême droite, mais de plus en plus d'extrême droite, à partir de 1934, surtout, contre Henri Béraud. On est devenu le principal éditorialiste, ce qui a conduit d'ailleurs Joseph Kessel à s'éloigner du journal. Christian Desportes, on se retrouve dans un peu plus de 2 minutes, après avoir écouté Gaëtan Roussel, qui chante « Tu ne savais pas ». Tu ne savais pas que tu naîtrais un jour avec une face, un profil sur un continent, sur une île. C'était comme ça la nuit, c'était comme ça le jour. Tu ne savais pas que tu naîtrais un jour. Tu ne savais pas que tu marcherais un jour salou dans une file, dans les rues sur un fil. C'était comme ça la nuit, c'était comme ça le jour. Tu ne savais pas que tu marcherais un jour. Tu ne savais pas que tu aimerais un jour à en perdre le sommeil, à lui souffler des merveilles. C'était comme ça la nuit, c'était comme ça le jour. Tu ne savais pas que tu aimerais un jour. Tu ne savais pas que tu partirais un jour sans regarder demain, sans un petit geste de la main. C'était comme ça la nuit, c'était comme ça le jour. Tu ne savais pas que tu partirais un jour. Tu ne savais pas que tu pleurerais un jour, la tête sur son épaule, l'épaule d'attraction folle. C'était comme ça la nuit, c'était comme ça le jour. Tu ne savais pas que tu pleurerais un jour. Sensible, Fabrice Drouel. Il a raison, le chanteur Gaëtan Roussel. Le temps passe et passe vite. Il nous reste quelques minutes, Christian Delporte. Est-ce que après l'affaire Salingros, il y a eu un grand débat sur le rôle de l'information, le rôle de la presse? Et si oui, est-ce que ça s'est traduit dans la loi avec des évolutions sur les textes? Alors pas immédiatement, c'est immédiatement, la presse d'extrême droite n'a rien lâché. Hein. Tixier Vignancourt affirmait que si Salin Gros s'est suicidé, c'est parce qu'on craignait une nouvelle révélation. Kérilis qui reprochait à Blum d'avoir recruté ses ministres sur les plans du Conseil de guerre. Donc dans l'immédiat, non. Et jusqu'à la guerre, il ne s'est finalement rien passé. Ça n'est qu'après, et bien longtemps après finalement, qu'on a mis en place un certain nombre de mesures, mais entre-temps, il y a eu Vichy. Et il n'était plus possible également de porter atteinte à la loi sur la presse sans porter atteinte à la liberté des journalistes. Donc le pouvoir a toujours eu un peu de recul à s'attaquer à cette loi parce que c'est quand même une charte de liberté, il faut bien le dire. Mais c'est le climat qui lui a changé. Et au bout du compte, la France a-t-elle du mal avec la liberté de la presse ou pas? Quel est votre regard sur l'état de la presse en France, sachant que la majorité des procédures contre la presse devant le tribunal correctionnel, la 17e chambre en tout cas en France, la grande majorité des plaintes sont déboutées au profit de la presse quand même. Oui, mais d'une manière générale. Devant la 17e chambre, effectivement, les procès se terminent toujours en faveur des journalistes. Mmh. Petit à petit, des lois organiques ont nourri et ont changé la nature même de la loi de 1881. Lesquelles ? Mais malgré tout... À quoi vous pensez ? Pardon. Je pense à des... normalement, aux lois antiracistes, qui ont légitimement modifié... par exemple, la loi Guesson, en 1990, légitimement modifié la loi de 1881. Donc... Ah mais est-ce que c'est réduire la liberté de la presse que de l'empêcher d'insulter les gens parce que les propos racistes, les propos antisémites sont des insultes et d'ailleurs ce sont bien des sûr. Insultes qui peuvent tuer hein. Ben on voit bien là. Donc est-ce que c'est vraiment réduire la liberté de la presse que de faire ça? Non, c'est pas d'abord la liberté de la presse est le reflet de la société elle-même. Mmh. Il y a des choses qui sont tolérables et des choses qui ne sont pas tolérables. Des choses qui étaient tolérables effectivement dans les années 30. L'antisémitisme, la xénophobie, etc. Aujourd'hui, non. Oui, c'est vrai. Et évidemment, c'est une bonne chose que ces lois s'appliquent également pour la presse. Mais dans l'ensemble, quand même, on est dans un pays où la liberté de la presse règne. Hein, il faut quand même le souligner. Ah, voilà. Vous voulez que les choses soient claires, quand même. Sur ce point, même si, je crois que dans le classement de Reporters sans frontières, bon, la France n'est pas première, hein. Il y a quelques problèmes quand même ici et là, mais globalement, on a une presse libre. Ce qu'il y a des moi je pensais à Maurras là parmi les incendiaires des années 30. Hein. Vous en voyez des incendiaires aujourd'hui vous dans la presse française? Oh, on les voit plutôt à la télévision. Ouais. D'accord. On va pas citer de nom, voilà, mais on le voit à la télévision, effectivement. Christian Delporte, merci infiniment de nous avoir apporté votre savoir sur la presse et l'histoire de la presse. Merci, au revoir. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le suicide de Roger Salin Gros. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. Rendez-vous sur la page Affaires Sensibles du site de franceinter.fr également pour toute information complémentaire à notre émission et si le cœur vous en dit, vos commentaires. À la technique aujourd'hui, il y avait Fabrice Desmaz et puisque nous sommes vendredi, et j'en profite pour remercier toute l'équipe qui a préparé les Affaires Sensibles de cette semaine, rédaction et recherche documentaire Margot Pinel, Constance Villanova, Jeanne Mayer et Romain Weber, attaché de production Rebecca de Nantes, programmation musicale Muriel Pérez, coordination Christophe Barrère, lecture Aurélien Labruyère, Philippe Pierrard, réalisation Marion Lelay, Lauriane Toulmont et Stéphane Combe.